Chapitre 120. J'aime la France. Le travail est béni du ciel, car il fait renaître le bonheur et l'aisance là où la guerre ne laisse que deuil et misère. Dans la grande salle délabrée de la ferme, dont les murs portaient encore la trace des balles, le pilote Guillaume se promenait la tête basse, les mains derrière le dos. Il était changé, il n'avait point cet air d'assurance et de décision qui lui était habituel à bord du navire. Il semblait inquiet et abattu. À la voix de la petite Marie, il se retourna, et apercevant ses amis, il courut se jeter au cou de son ancien camarade. « France, lui dit-il à demi-voix, tu arrives à propos, car je suis dans la peine et je compte sur ton amitié pour me donner du courage. Il va me falloir encore quitter ma femme et mes enfants, alors que j'espérais passer ici auprès d'eux le temps qui me reste à vivre. Je suis tout triste en y pensant. » Pendant qu'il disait ces mots, les yeux limpides du vieux pilote devenaient humides malgré lui. Tout d'un coup, faisant effort sur lui-même et se redressant brusquement, « Allons, dit-il, ce n'est qu'une espérance à abandonner. » Et comme Franz l'interrogeait, « Voici, dit-il, en deux mots, ce dont il s'agit. Le parent, qui nous a laissé cette propriété en héritage, avait emprunté de l'argent sur sa terre. Je ne puis rembourser cet argent, et je vais être obligé de vendre la terre. Mais les biens ont tant baissé de prix depuis la guerre, et la ferme est en si triste état que je ne la vendrai pas moitié de ce qu'elle vaut. Je serai donc après cela au même point qu'avant d'hériter, et je n'aurai d'autre ressource que de retourner sur l'océan. » L'oncle Franz s'approcha du pilote et prenant sa main dans les siennes. « Guillaume, dit-il avec émotion, te rappelles-tu cette nuit d'angoisse que nous avons passée ensemble au milieu de la tempête? Nous te devons la vie. À présent que tu te trouves dans l'embarras, c'est à nous de te venir en aide. » « Oui, dit André en s'approchant. Nous vous avons proposé alors d'aider les autres à notre tour, comme vous nous avez aidés vous-même. Nous tiendrons notre promesse. » « Mes braves amis, dit Guillaume, malheureusement vous ne pouvez rien. Je n'ai besoin que d'argent, et vous en avez hélas moins encore que moi-même. » « Guillaume, reprit l'oncle Franz, tu te trompes. Je ne suis plus aussi pauvre que je l'étais quand tu nous as quittés. Et c'est maintenant surtout que j'en suis heureux, puisque je puis t'être utile. » En même temps, il avait tiré de sa poche une liasse de papier. « Tiens, dit-il, regarde, les honnêtes gens ne manquent pas encore en France. Le fils de l'armateur de Bordeaux m'a remboursé tout ce qui m'était dû par son père. Prends cela et va payer ceux qui voudraient te forcer à vendre ton bien, pour l'acheter le quart de ce qu'il vaut. » Guillaume était si ému qu'il resta un moment sans répondre. Puis gravement, « J'accepte, France, dit-il, mais à une condition, c'est que nous ne nous séparerons plus. Ma terre, une fois délivrée de cette charge, a de la valeur. Elle est fertile. Nous nous associerons pour la cultiver, nous partagerons les profits, nous ne ferons plus qu'une seule famille. » Et les deux amis s'embrassèrent étroitement, tandis que la femme du vieux pilote, de son côté, remerciait Franz avec effusion. À ce moment, la petite Marie s'approcha de son père. Elle le tira doucement par sa manche et à demi-voix. « Alors, dit-elle en souriant, Julien restera avec nous aussi ?»« Je le crois bien, dit le vieux pilote, en prenant le petit garçon sur ses genoux. Il ira en même temps que vous deux à l'école. » Et si vous n'apprenez pas vite, eh bien, il vous fera honte, car il est studieux, lui. Et il connaît maintenant son pays mieux que la plupart des autres enfants. Et toi, André, tu nous aideras à cultiver cette terre, jusqu'à ce que nous ayons trouvé à t'établir comme serrurier au village voisin. Ce ne sera pas trop de notre travail à tous les trois pour ensemencer ces champs restés en friche depuis la guerre et pour reconstruire cette maison en ruine. Oui, Guillaume, dit Franz avec émotion, tu as raison. Nous travaillerons tous, chacun de notre côté. Si la guerre a rempli le pays de ruines, c'est à nous tous, enfants de la France, d'effacer ce deuil par notre travail et de féconder cette vieille terre française qui n'est jamais ingrate à la main qui la soigne. Dans quelques années, nous aurons couvert les champs qui nous entourent de riches moissons. Nous aurons relevé, pièce par pièce, le toit de la ferme. Et si vous voulez, mes amis, nous y placerons joyeusement un petit drapeau aux couleurs françaises. Chacun applaudit à la proposition de l'oncle Franz. « Et Julien, plus fort que tout le monde, oui, oui, c'est cela, mon oncle, s'écria-t-il. Quand je pense que nous avons eu tant de peine pour être français, et que nous le sommes maintenant. » En même temps, il regardait les petites filles de Guillaume. « N'aimez-vous pas la France ?» leur dit-il. « Oh, moi, de tout mon cœur, j'aime la France. » Et dans la joie qu'il éprouvait de se voir enfin une patrie, une maison, une famille, comme le pauvre enfant l'avait si souvent souhaité naguère, il s'élança dans la cour de la ferme, frappant ses petites mains l'une contre l'autre, puis songeant à son cher père, qui aurait tant voulu le savoir français. Il se mit à répéter de nouveau à pleine voix « J'aime la France, j'aime la France, France !» répéta fidèlement et nettement le bel écho de la colline, qui se répercutait encore dans les ruines de la ferme. Julien s'arrêta surpris. « Tous les échos te répondent l'un après l'autre, Julien, » dit gaiement André. « Tant mieux, » s'écria le petit garçon. « Je voudrais que le monde entier me répondît, et que chaque pays de la terre dit « J'aime la France !» Pour cela, reprit l'oncle Volden, il n'y a qu'une chose à faire, que chacun des enfants de la patrie s'efforce d'être le meilleur possible. Alors la France sera aimée autant qu'admirée par toute la terre. 6 ans se sont écoulés depuis ce jour. Ceux qui ont vu la ferme de la Grande Lande, à cette époque, ne la reconnaîtraient plus maintenant. Pas un mètre de terrain n'est inoccupé, et la jachère y est inconnue. Le sol travaille sans cesse, aussitôt les céréales moissonnées, la charrue retourne les sillons, et de nouveau on ensemence la terre en variant les cultures avec intelligence. Grâce aux riches prairies de trèfle et de luzerne, le fourrage ne manque jamais à la ferme. Au lieu de 6 vaches qu'elle nourrissait avant la guerre, la terre de la Grande Lande en nourrit 12, sans compter 3 belles juments dont les poulains s'ébattent chaque année dans les regains des prairies. C'est vous dire qu'avec tous ces animaux, l'engrais ne manque pas, et que chaque année la terre, au lieu de s'appauvrir, va s'améliorant. Mais aussi, comme tout le monde travaille à la Grande Lande, c'est une vraie ruche où les paresseux ne trouveraient pas de place. Venez avec moi, nous la parcourrons en quelques instants. Il est à peine jour sur les coteaux verts de la ferme, mais les coqs vigilants ont salué la petite pointe de l'aurore. À leur voix, le poulailler s'éveille. Une 30aine de poules, caquetant et chantant, vont chercher dans la rosée les petits vers qu'a fait sortir la fraîcheur de la nuit. Bientôt, la ménagère matinale, la bonne dame Guillaume, elle aussi sera debout. Regardez, sa fille aînée la suit. Adèle est une belle et laborieuse fille qui a déjà 15 ans et demi et qui, active comme sa mère, court partout où sa présence est utile, à la laiterie, aux étables, au potager. Le potager, c'est surtout le domaine de l'oncle Franz. Le voyez-vous qui tire au cordeau des planches symétriques pour repiquer des salades? L'oncle Franz est un jardinier de premier ordre. Il a aussi un verger superbe avec des espaliers qui ne renieraient point les horticulteurs de la banlieue parisienne. Mais voici le pilote Guillaume. Il conduit à l'abreuvoir le joli troupeau de vaches, les juments et leurs poulains. Le vieux pilote a pris tout ce bétail sous sa haute juridiction. Et il aime son troupeau comme jadis il affectionnait son navire. « Depuis 6 ans que je les soigne, » s'écrit-il parfois avec un légitime orgueil, « je n'en ai pas eu une seule de gravement malade. » Mais aussi, comme toutes ces bêtes ont l'air bien soignées. Comme elles sont propres, comme elles s'en reviennent du pas tranquille et lent qui leur plaît le mieux. Guillaume a façonné son pas au leur. « Affaire d'habitude, » dit-il, « c'est moins difficile que d'apprendre l'équilibre au roulé des vagues. » Cette fillette de 11 ans qui sort de la ferme, c'est la petite Marie, la plus jeune de la famille. Du demain, elle emporte avec précaution la soupe chaude des laboureurs. De l'autre, elle tient ses livres de classe, car elle va de ce pas à l'école. Venons avec elle jusque là-bas, dans ces champs où les guerriers du soleil sèment leur or sur les sillons. Reconnaissez-vous ce grand garçon barbu déjà? C'est André. Quand il y a chômage chez le serrurier du bourg, André travaille à la ferme. En ce moment, 2 beaux bœufs rouges traînent la charrue. Le jeune homme les excite doucement, et de sa voix molle, un peu grave, il chante une vieille chanson du pays natal, car André n'a oublié ni son père ni son premier amour, la patrie. À l'heure matinale, où l'alouette montant comme une flèche, chante au-dessus des sillons, l'âme du jeune homme s'élance, elle aussi, tantôt vers le passé plein de souvenirs, tantôt vers l'avenir qui s'ouvre avec ses devoirs et avec ses espérances. André a 20 ans sonné. Il sera bientôt sous les drapeaux. Il sera bientôt soldat de la France. Près d'André, regardez cet adolescent encore un peu mince, avec de grands yeux expressifs et affectueux. C'est notre petit Julien. Comme il a grandi. C'est qu'il a 14 ans et demi, savez-vous? Ah, le temps passe vite. Oui, mais Julien l'a bien employé. Il a appris tout ce qu'un jeune homme peut apprendre dans la meilleure école et avec la meilleure volonté possible. Mais quel est ce camarade de son âge et qui travaille au champ avec lui et qui ne le quitte guère? Devinez. Vous le connaissez pourtant. C'est le jeune Jean-Joseph, l'orphelin d'Auvergne, qui a pu venir rejoindre nos amis à la ferme de la Grande Lande. Il est devenu pour eux comme un nouveau frère. Vous souvenez-vous, il y a 6 ans, à pareille époque, André et Julien s'étaient endormis sous un sapin dans la montagne, à la veille de franchir les Vosges. Et quand le soleil s'est élevé ce matin-là, les deux enfants, sans soutien, s'agenouillant sur la terre de France qu'ils venaient d'atteindre, s'étaient écriés ensemble « France aimée, nous sommes tes enfants, et nous voulons devenir dignes de toi ». Ils ont tenu parole. Les années ont passé, mais leur cœur n'a point changé. Ils ont grandi en s'appuyant l'un sur l'autre et en s'encourageant sans cesse à faire le bien. ils resteront toujours fidèles à ces deux grandes choses qu'ils ont appris si jeunes à aimer, devoir et patrie. La ferme réparée par la paix. Peu de nations ont éprouvé un plus grand désastre que la France en 1870, mais peu de nations auraient pu le réparer avec une aussi grande rapidité. Malgré cette crise violente, notre commerce déjà considérable a continué à s'accroître. Il a augmenté de plus d'un milliard. C'est par le travail et l'activité de tous ses enfants que la patrie devient ainsi chaque jour plus prospère.